الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس لقد بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فدعا الناس جميعا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له فعلمنا الخير كله وحذرنا من الشر كله ومن أعظم الخير بعد التوحيد الآداب والخلق الحسن وكان هو نفسه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وكان يصل الرحم يوقر الكبير يرحم الصغير يحسن إلى اليتيم ويكرم الجار متواضعا لينا صلى الله عليه وسلم وقد جاءت النصوص الكثيرة العظيمة الجميلة في الترغيب في الخلق الحسن وفضله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعن نواس بن سمعان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق الحديث رواه مسلم وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم خلقا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه فمن أراد معالي الدرجات وأن يكون خير الناس فليلتزم حسن الخلق بحسن الخلق كمال الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أخرجه أبو يعلى وهو حديث حسن صاحب الخلق الحسن محبوب من عند الله عز وجل الودود فمحبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين عن أسامة بن شريك قال جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من أحب عباد الله إلى الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم خلقا رواه الطبراني وهو صحيح وفي رواية لابن حبان قالوا يا رسول الله فما خير ما أعطي الإنسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق حسن فالخلق الحسن من أنفع ما يكون في الدنيا وكذلك في الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين ذلكم اليوم الطويل الشديد المخيف عن أبي درداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في الميزان، ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، من خلق حسن. ما شيء أثقل في الميزان، ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وهو صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وهو صحيح. حسن الخلق طريق سهلة موصلة إلى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وهو حديث حسن. ولما كان حسن الخلق بهذه المنزلة من الدين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه كي يحسن خلقه، وهو أفضلنا خلقا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق إيمانا وأدبا وخلقا، دعا الله سبحانه وتعالى بأن يحسن خلقه، فنحن من باب أولى. وكان خير الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لنسائهم، خيركم أو خياركم لنسائهم. رواه البيهقي. فمن حسن الخلق حسن المعاملة مع النساء. ثم أختم بمثال وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، من حسن الخلق. فجاء عربي وأخذ بعنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أعطني من مال الله، يا رسول الله أعطني من مال الله. فأثر على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وصبر مع الأعرابي، ثم أمر بأن يعطى نصيبا من المال. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم معه. فما بال أقوام لا يصبرون مع إخوان في المسجد، فما بال أقوام لا يصبرون مع إخوان في المسجد، في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامره بالتوحيد وبالسنة وبالخير وبالدعوة. ونسأل الله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله nous a certes envoyé en tant que prophète et messager Mohammed صلى الله عليه وسلم avec la voie et avec la droiture, la meilleure religion, afin d'appeler l'ensemble des gens à tout le bien et de les mettre en garde contre tout le mal. Et sans aucun doute, le meilleur bien avec lequel nous est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la croyance authentique et le fait d'unifier Allah d'un culte sincère de par notre adoration. Et sachez que parmi les plus belles choses avec laquelle nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à laquelle il nous a appelés et nous a encouragés, le bon comportement. Le bon comportement. Et il était certes la personne qui avait le plus noble caractère et le meilleur des comportements. Les frères, restez pas là, à l'entrée, vous gênez le passage, il y a de la place derrière. Barakallahu fikoum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu et nous a appelé à ce noble caractère qui est husnul khuluq. Il était lui-même la créature qui avait le meilleur comportement. Comme Allah nous le décrit dans le Coran en nous disant, tu es certes d'une moralité imminente, tu as certes le meilleur caractère. Il y a les liens de parenté, il respectait les personnes âgées, il était doux et affectueux envers les jeunes, il était proche des pauvres et des orphelins, il honorait ses invités, offrait des cadeaux à ses voisins, il était humble, doux et affectueux, il était facile à vivre et avait le meilleur comportement avec ses épouses, il plaisanta avec les enfants, portait les nouveau-nés. Il était la personne qui avait le meilleur comportement sallallahu alayhi wa sallam. Et les textes sont très nombreux. Les textes qui nous appellent à avoir un bon comportement sont très nombreux, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Et je vais vous citer quelques récits de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Il nous dit, et Nawas nous dit, j'ai demandé au messager d'Allah, quel est, ou bien qu'est-ce que al-bir, le bien? Définis-moi le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le bien, c'est le bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Celui qui veut avoir les hauts degrés dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il suive, qu'il étudie le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il essaye de lui ressembler au maximum, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Vous avez certes, en la personne du messager d'Allah, un parfait exemple à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. » Le croyant ayant la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Celui qui a un bon comportement sera le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ceux qui avaient le meilleur comportement. Celui qui a un bon comportement, les serviteurs d'Allah azza wa jal l'aimera. Usama ibn Sharif nous dit, nous étions assis auprès du messager d'Allah. C'est alors qu'un groupe de personnes sont entrées et ont questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, qui est la personne la plus aimée chez Allah parmi les serviteurs d'Allah? Quelle est la personne qu'Allah aime le plus parmi les serviteurs d'Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, celui qui parmi vous a le meilleur comportement. Ne veux-tu pas faire partie à Abdallah wa anti ya amat Allah de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé? Alors efforce-toi d'avoir ce noble caractère et un bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah n'a pas donné une meilleure chose à l'un de ses serviteurs qu'un bon comportement. Parmi les plus belles choses qu'Allah nous est donné, le bon comportement. Et ce bon comportement est même profitable dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance du croyant, le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, que d'avoir un bon comportement. Le jour du jugement dernier, c'est un jour long et un jour terrible. Un jour qui fait peur. Un jour où les enfants auront les cheveux blancs. Un jour où les enfants, les nouveau-nés, auront les cheveux blancs. Et ce jour-là, tu auras besoin de bonnes actions. Ce jour-là, tu vas comparaître devant le Seigneur des mondes. Et on va poser la balance. Et on va mettre tes bonnes actions sur un plateau de la balance et tes mauvaises actions sur l'autre plateau. Donc efforce-toi d'agir et d'amener le plus de provisions possible. Voici ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'informe que parmi les choses les plus lourdes sur la balance, le bon comportement. Et Aïcha radiallahu anha nous dit, j'ai entendu les messagers d'Allah dire, certes le croyant va rattraper avec son bon comportement ceux qui jeûnent la journée et se lèvent la nuit pour prier. Celui qui a un bon comportement va rattraper celui qui se lève la nuit pour prier et celui qui jeûne souvent la journée, juste car il s'est efforcé d'avoir un bon comportement. Le fait d'avoir un bon comportement, c'est un chemin qui est aplani, qui est facilité et qui mène vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira nous dit, le message d'Allah fut questionné sur la chose qui fait le plus entrer les gens au paradis et sur la chose qui fait le plus entrer en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, la chose qui fait le plus rentrer au paradis, c'est la crainte d'Allah et le bon comportement. La chose qui fait le plus rentrer au paradis est la crainte d'Allah ainsi que le bon comportement. Et la chose qui fait le plus rentrer en enfer, c'est la bouche, la langue et les parties intimes. Donc celui qui ne retient pas sa langue, celui qui parle mal, celui qui insulte ses frères et qui leur manque de respect, c'est une cause pour entrer dans le feu de l'enfer. Et celui qui retient sa langue, qui retient sa colère et qui s'efforce d'avoir un bon comportement, voici une des plus grandes causes et une des choses qui fait le plus entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez entendu, est celui qui avait le meilleur comportement. Pourtant, il faisait du dua. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en disant, Ô Allah, tout comme tu as parfait ma création, améliore mon comportement. Ô mon Seigneur, ou bien ô Allah, tout comme tu m'as donné une belle apparence, donne-moi un bon comportement. Et c'est celui qui avait le meilleur comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous également, on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier de mauvais comportements et de nous accorder de nobles caractères. Parmi les bons comportements, il y a le fait d'être doux avec ses épouses, d'être de bonne compagnie pour ses parents, pour ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec ses épouses. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec ses épouses. Et nombreux sont ceux qui ont un bon comportement à l'extérieur, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont durs, orgueilleux et injustes envers leurs épouses. Cela ne fait pas partie du bon comportement. Et cela ne fait pas partie de l'héritage que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fattakullah ya ibadallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, Laysa minna man lam yuqir kabirana wa yarham sagirana. Ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas les personnes âgées. Ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas les personnes âgées. Ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas miséricordieux envers les jeunes. Ne fait pas partie de nous celui qui ne reconnaît pas les droits de nos savants. Donc toute personne qui manque de respect envers ceux qui ont la barbe blanche, ceux qui ont atteint un certain âge, ne sont pas sur le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont commis un grand péché. Et ils encourent un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal s'ils ne se repentent pas. Et toute personne qui ne respecte pas les jeunes et qui n'a pas de pitié envers les jeunes, envers les enfants et qui n'a pas de douceur à leur égard n'est pas sur le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre les compagnons et ne les a pas divisés. A réuni entre les jeunes et les personnes âgées et ne les a pas éloignés. Et toute personne qui appelle au bien doit faire la même chose. Et pour conclure, un exemple qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son col. Il l'a tiré vers lui en lui disant: donne-moi de l'argent d'Allah, ça n'est pas ton argent. Ordonne à ce qu'on me donne de l'argent. Alors les compagnons se sont mis en colère, car il ne convient pas de traiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la sorte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé cet homme et a souri et a dit: donnez-lui de l'argent. Un autre jour, un homme, un bédouin, est venu dans la mosquée et a uriné dans un coin de la mosquée. Alors les compagnons ont voulu l'attraper et le réprimander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez-le finir. Lorsqu'il eut fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on verse un seau d'eau sur cette impureté. Ensuite il l'a attrapé et lui a dit: oh un tel, cet endroit-là et une mosquée, il ne convient pas de faire ce genre d'action. C'est un endroit pour louer Allah, le glorifier et accomplir la prière. Alors cet homme-là a été touché par le noble comportement du prophète sallam, par sa douceur et sa patience. Il a alors dit: oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Muhammad et ne fais miséricorde à nous, avec nous, à personne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et lui a dit: tu as rendu une chose vaste très petite. Donc voici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses compagnons. Comment se fait-il que nous, dans cette mosquée, la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a du mal à avoir ce bon comportement. Et on a du mal à s'aimer entre nous. Et on a du mal à patienter les uns sur les autres. Alors que notre Seigneur est unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le messager qui nous a été envoyé est le même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le but pour lequel on se déplace dans cette mosquée est le même, adore Allah azza wa jalla d'un culte sincère. Alors que la Qibla est la même en direction de la Mecque. Mais vous savez la cause, chers frères, ce sont les cœurs. Ce sont les cœurs qui n'ont pas été nettoyés de par l'amour d'Allah azza wa jalla, de par l'espérance de ce qui se trouve auprès d'Allah azza wa jalla, et de par la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tant que les cœurs seront malades, on ne pourra jamais être unis sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam, sur la compréhension des pieux prédécesseurs. فَأَدْعُ نَفْسِي وَإِخْوَانِ الْعِزَّةِ عَلَى التَّحَابِ وَعَلَى التَّلَفَآلِ وَعَلَى التَّسَامِ. Donc je m'appelle moi-même ainsi que l'ensemble de mes frères à s'aimer pour Allah azza wa jal, à s'excuser pour Allah azza wa jal, et à patienter les uns sur les autres pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kama ahsanta khuluqana aw khalqana fa ahsin khuluqana. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وادفع عنه كل شر يا رب العالمين إنك أنت العزيز الجبار المتكبر والحمد لله.